plein de critiques et de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Je recommence le buzz pour espérer d'être heureuse. Dans mes paroles, j'esquive les râleux, la râleuse. Dans ce monde, il y a beaucoup trop de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet, c'est une façon de se faire connaître. Ce soir, je viens de vous parler de mon mal-être. Je me présente, moi c'est Missing. Je prends le mic et les jaloux, je laisse KO sur le ring. Me voici de retour après toutes ces critiques. Plus les années passent et plus je deviens mélancolique. Je bosse dur pour que mes textes traversent les murs de ma ville. Mon flow arrive dans vos enceintes comme un missile. Creux de niveau, si peu d'ego. On représente des fontaines, la zone des gens qui ont du flow. Les mecs bons, quand j'entends l'effet de mon son. Écris mon nom, tout comme Badia représente mon cartel. Je rêve d'être official et un jour je serai au top. J'arrive dans le hip-hop et personne ne me stoppe. Représente pour les photos et non les gangsters. Ça a mal tourné, plein de critiques et de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Je recommence le buzz pour espérer d'être heureuse. Dans mes paroles, j'esquive les râleux et la râleuse. Dans ce monde, il y a beaucoup trop de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet, c'est une façon de se faire connaître. Ce soir, je viens de vous parler de mon mal-être. Dans ce blog, il faut de la maille pour que je m'évade. Un jour, j'aurai ma voix dans vos hit parades. Arrête de jacter, le rap, c'est ma passion. Je suis issu de cette nouvelle génération. Ma vie est hardcore comme un fruit fight. Quand je vais mal, j'écoute mes fruits taille. Je bosse mes textes en heure pleine, en heure creuse. Je reste honnête, je me dis ça finira par payer. J'ai trop travaillé, j'ai monté tous les paliers. C'est les mots que j'aime manier, mon talent te narguer. Écartez-vous, c'est le style d'une fille d'en bas qui n'a que de la haine et de la rage envers les corps. Plein de critiques et de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Je recommence le buzz pour espérer d'être heureuse. Dans mes paroles, j'esquive les râleux et la râleuse. Dans ce monde, il y a beaucoup trop de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet, c'est une façon de se faire connaître. Ce soir, je viens de vous parler de mon mal-être. Ça a mal tourné, plein de critiques et de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Je recommence le buzz pour espérer d'être heureuse. Dans mes paroles, j'esquive les râleux et la râleuse. Dans ce monde, il y a beaucoup trop de méchanceté. C'est la tristesse que je me suis mise à chanter. Internet, c'est une façon de se faire connaître. Ce soir, je viens de vous parler de mon mal-être. C'est le son de Missing, ouais. Dédicace à Badia, Selma, Silas, Rapjilla et Mimi. Et à Momo de Facebook, de Bagneux, du 92 et tous ceux qui me soutiennent.